Pour audiocité.net, le mariage manqué d'Alphonse Allais. Illustration musicale, Hector Berlioz, ouverture du corsaire. Licence Muse Open, lu par Alain Bernard. Boulevard Saint-Michel. Sapeck passait un dimanche soir lorsqu'il fut accosté par un jeune potache qui lui demanda, le képi à la main, « Pardon, monsieur, vous plairait-il de me rendre un petit service ?»« Tel est le plus cher de mes voeux. De quoi s'agit-il »« Tout simplement de me rentrer au lycée Saint-Denis. Devant le censeur, vous me ferez vos adieux comme si vous étiez mon oncle. » Et voilà parti, Sapeck et le potache. Sapeck grave, le potache enchanté. Dans le parloir, devant le censeur qui préside à la rentrée des élèves, Sapeck redouble de gravité. Bonsoir, mon neveu. Bonsoir, mon oncle. Travaille bien, mon neveu, et ne sois pas collé dimanche. Que ta devise soit celle de Tacite, laboremus et bene nos conduisemus. Car, comme l'a très bien fait observer Lucrèce dans un vers immortel, sine labore et bona conducta ad nihil advenimus. Et surtout sois poli et convenable avec tes maîtres. Maxima pionibus debetur reverentia. Le pauvre potache, pendant ce discours, semblait un peu gêné de la latinité cuisinière de son oncle improvisé. Et il risqua un « Bonsoir, mon oncle, timide. » Mais Sapeck ne l'entendait pas ainsi. Il venait d'apercevoir, luisant sur le gilet du lycéen, une superbe chaîne d'or. « Comment ? » s'écria-t-il. Petit malheureux, tu emportes ta montre au collège? Ne sais-tu donc pas qu'à Rome, à la porte de chaque école, se trouvait un fonctionnaire chargé de fouiller les petits élèves et de leur enlever les sabliers et les clepsydres qu'ils dissimulaient sous leur toge? On appelait cet homme le Scholarius Detrusator, et Sallust avait dit à cette époque Chronometrum juvenibus discipulis procurat distractiones. Mais mon oncle, remette-moi la montre. Le censeur intervint. « Remettez donc votre montre à monsieur votre oncle. D'ailleurs, vous n'en avez nul besoin au lycée. » Le potage commençait à éprouver de sérieuses inquiétudes pour son horlogerie, quand le bon Sapeck, dont le cœur est d'or, conclut avec une infinie mansuétude. « Allons, mon enfant, garde ta montre, et qu'elle soit pour moi le symbole du temps qui passe et ne saurait se rattraper. Fugit irreparabile tempus. » Cette histoire de mon ami Sapeck m'est revenue au souvenir ces jours-ci, à l'épilogue d'une aventure qui m'arriva l'année dernière et dont les débuts présentent quelque analogie avec la première. Moi aussi, je fus accosté par un potache. C'était un dimanche après-midi à la fête de Neuilly. Comme à Sapeck, mon potache me demanda, le képi à la main, « Pardon, monsieur, vous plairait-il de me rendre un petit service ?»« Si cela ne me dérange en rien. »« Note 1, répondis-je poliment. « Je ne demande pas mieux. »« De quoi s'agit-il »« Voici, monsieur. Permettez-moi d'abord de vous présenter une bonne amie dont je suis éperdument amoureux. » Et il me présenta une manière de petite brune, drôlichonne, qui louchait un peu. « Êtes-vous comme moi ? J'adore les petites brunes drôlichonnes qui louchent un peu. » Je m'inclinai. « Je suis très désireux, reprit le potache, d'avoir le portrait de mademoiselle sur ma cheminée, mais ma mère ne consentira jamais à laisser traîner un portrait de demoiselle sur ma cheminée. Aussi, j'imaginais un subterfuge. Elle se fera photographier en votre compagnie, et je dirai à ma mère que c'est le portrait d'un de mes professeurs et de sa femme. Ça vous va-t-il ? Au fond, je suis bon, cela m'alla. Nous entrâmes chez un photographe forain qui nous livra, en quelques minutes, un pur chef-d'œuvre de ressemblance sur tôle, encadré richement, le tout pour 1,75 franc. Tout dernièrement, j'ai été sur le point de me marier. Un jour, mon ex-futur beau-père me demanda, non sans raideur, « Au moins, avez-vous rompu définitivement ?»« Rompu, fis-je. »« Rompu avec qui ?»« Avec certaines petites brunettes qui louchaient un peu. » Je fouillais au plus profond de mes souvenirs. Aucun fantôme de brunette qui louche un peu. Je niais carrément. « Et ça, brandit mon beau-père, comment s'était-il procuré le malheureux portrait ? Je ne le sus jamais. » Mais il l'avait en sa possession. « Qu'on ait des maîtresses, disait-il. Je le comprends, même je l'admets. Mais qu'on s'affiche avec. » Et il ne concluait même pas. Il me refusa sa fille. « Ça m'est égal. J'ai appris depuis qu'elle avait des habitudes invétérées d'ivrognerie. Note 1. Le caractère de Monsieur Alphonse Allais est tout entier dans cette phrase. Note de l'auteur. Notre nouvelle très brève d'Alphonse Allais pour les auditeurs de docité.com. Bizarroïde. Bizarroïde. Je ne suis pas ce qu'on appelle un ennemi de l'originalité. Certes, j'estime qu'il convient d'enfiler ses propres bottes de préférence à celles des autres, mais de la grande Dieu à chausser les escarpins de la chimère, les godillots du jamais vécu et les brodequins de l'inarrivable, trouvez-vous pas une nuance? Certaines gens s'appliquent à toutes les déconcertances. Pour d'autres aussi, soyons justes, la maboulite chronique paraît être la seule norme, dans le verbe aussi bien que dans le geste. Ce matin, je suis allé prendre un bain. À l'entrée, causaient deux messieurs, un qui s'en allait, un qui venait, et la conversation s'arrêta sur ce mot que dit celui qui venait. « Eh bien, je vous assure, mon cher usufruitier, que je n'ai pas tant de frais et qu'on dit, parce qu'il y a un ami de ma tante Morin qui me sert d'ancien préfet. » Je ne songeais même pas à deviner le sens de ce propos. Mais l'avouerai-je? J'en contractai quelque inquiétude. Justement, l'homme qui avait proféré cette drôle de phrase occupait la cabine. Dit-on cabine quand il s'agit de bain chaud? Voisine de la mienne. Les cloisons de mon établissement de bain sont minces ainsi que la baudruche. Aussi perçoit-on le plus mince clapotis d'à côté. Mon voisin, le neveu de Madame Morin, faisait une vie d'enfer dans sa baignoire. Un groupe important de taris, eût-on dit. Et puis, à un moment, voilà qu'il s'interrompit pour sonner le garçon. « Monsieur a sonné, » fit bientôt ce dernier. « Oui, donnez-moi donc la monnaie de 20 sous. » À l'heure qu'il est, je me demande encore quel besoin immédiat peut pousser un homme nu qui trempe dans l'eau tiède à demander, toute affaire cessante, de la monnaie de 20 sous.